reste avec les vrais, les autres n'en parlons plus. Tu les aimes moins, lui t'aimes pas non plus. Reste avec les vrais, les autres n'en parlons plus. Et mec, si je t'interpelle, c'est pour que tu sois plus réceptif. Et ouais, tu te rappelles, et si que ça fond dans le système auditif, c'est pas l'ego qui parle, mais si je me la pète, c'est forcément que les autres font pire. J'suis trop lucide, du coup mes phases empirent, j'suis pas ton père. Si t'es trop con, c'est de ta faute, peu importe, j'suis branché sur 10 000 volts et 1 ampère. La tension monte, attention, je démonte, les MC qui se la racontent. J'suis venu casser l'ambiance et rendre des comptes. J'ai trop les yeux ouverts pour voir que c'est mon défaut. C'est pas que j'ai pas de défaut, ouais, il en faut, mais t'en as beaucoup trop. C'est la guerre, tous les rappeurs se rangent. J'suis le même depuis 7 ans, nique sa mère, maintenant je me venge. C'est prendre leur à la mode, c'est putain de charclos. Verront bientôt les intérêts de la droite, mais y'aura toujours Sarko. On veut la paix, qui croit en Dieu, croit en ses commandements. C'est la thune qui détruit ce monde, je me demande, ça sera comment demain. Reste avec les vrais. On s'enfonce dans la merde, les yeux rivés sur l'horizon. Je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est pas bon. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu sens la pression. Je sais pas si c'est nous en l'ensemble qui part en couille mais j'en ai l'impression. On s'enfonce dans la merde, les yeux rivés sur l'horizon. Je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est pas bon. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu sens la pression. Je sais pas si c'est nous en l'ensemble qui part en couille. Je suis pas là pour tester, ni pour être trop hardcore. Trop de MC à l'esté, encore enculé, viens pas contester. Rappeur de merde, tu m'as trop scié. J'ai cherché tes messages en vain, à part tout niquer par les grossiers, à part se lamenter d'écrire. Ta cité, ta vie pimentée, la merde qui t'attire, wesh ton bloc aimanté. Le monde qui t'entoure, limité à ton quartier, j'en ai marre des pilogués, messieurs les attardés. Fuck ceux qui s'assagissent, ceux qui réagissent, ces talents tout en frac, craquant leur sub de façon magistrale. J'ai pas ce talent, j'viens dénigrer, c'est faux, c'est chaud, je sais, mais moi au moins j'ai pas tous tes défauts. MC, toi t'as pas peur de ta gueule, moi j'ai peur des couteaux, viens m'écouter. Plutôt et flip de ma grande gueule, c'est tout. Ça fait 7 ans que je suis rangé du bon côté avec mon crew. Quand je vois ceux qui nous rejoignent, j'ai trop de dégoût. On s'enfonce dans la merde, les yeux rivés sur l'horizon. Je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est pas bon. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu sens la pression. Je sais pas si c'est nous en l'ensemble qui part en couille mais j'en ai l'impression. On s'enfonce dans la merde, les yeux rivés sur l'horizon. Je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est pas bon. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu sens la pression. Je sais pas si c'est nous en l'ensemble qui part en couille. On s'enfonce dans la merde, les yeux rivés sur l'horizon. Je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est pas bon. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu sens la pression. Je sais pas si c'est moi en l'ensemble qui part en couille mais j'en ai l'impression. On s'enfonce dans la merde, les yeux rivés sur l'horizon. Je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est pas bon. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu sens la pression. Je sais pas si c'est moi en l'ensemble qui part en couille.